Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Monsieur Raymond Hiss qui vient nous parler de son livre « La cité sans nom » publié chez Reuze Éditions. Bonjour Monsieur Hiss. Oui, bonjour. Alors, La Cité sans nom vient d'obtenir le prix 2017 de la Société des écrivains d'Alsace-Lorraine et du territoire de Belfort. C'est un honneur et un plaisir d'être primé. Oui, parce que... Bon, je ne dis pas que je ne m'y attendais pas, mais enfin, je ne pensais pas que c'est une très vieille société, la Société des écrivains d'Alsace-Lorraine, et je ne m'attendais pas à ce qu'ils priment un ouvrage jeunesse, quoi. Et ils ont fait un petit peu, bon, ils ont été intéressés par l'ouvrage, évidemment, mais bon, ça ressort un petit peu des prix littéraires qui sont adressés à des livres adultes ou à des ouvrages régionalistes, donc c'était tout à fait significatif, quoi. D'accord, et qu'est-ce qu'on ressent quand on est primé? Une reconnaissance? Oui, bon, c'est une manière de reconnaissance aussi, hein, de, bon, c'est pas la première fois que je sors un ouvrage, donc c'est la première fois que je reçois un prix, donc bah, ça signifie que j'étais meilleur que tous les autres qui avaient concouru à ce prix, à ce concours, quoi. Oui, vous savez combien il y avait de concurrents? Une douzaine, je crois. Une douzaine, oui. Oui, donc c'est déjà une belle victoire. Oui, bien sûr, oui. Surtout pour un ouvrage jeunesse, bon, qui est une littérature qui est un petit peu, pas disons marginale, mais enfin, quelquefois une littérature qui est un petit peu délaissée dans la littérature générale. Oui, c'est vrai. Alors, dans quelle catégorie vous classez votre livre? Science-fiction, anticipation ou fantastique? C'est un sous-ensemble de la science-fiction. Alors, il y a beaucoup de sous-genres et de sous-ensembles de la science-fiction. Là, c'est le roman, une histoire, ce qu'on appelle dans un cycle post-cataclysmique, c'est-à-dire la description d'un monde après une catastrophe. D'accord. Qui a des sous-ensembles, un des sous-ensembles de la science-fiction. Les catas, bon, il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre-là. Après une catastrophe nucléaire, une catastrophe climatique, après une guerre, tout simplement, une guerre nucléaire. Là, c'est également après une catastrophe dont on ne connaît pas d'ailleurs l'origine, parce que les gens, les personnages eux-mêmes, ont oublié l'origine de cette catastrophe et vivent dans un monde désolé, quoi. Oui. Alors, pour nos auditeurs, vous pouvez nous expliquer la différence entre ces genres, science-fiction, anticipation, fantastique? Oui. Alors, science-fiction et fantastique, bon, c'est... ils relèvent tous les deux des littératures de l'imaginaire et visent à décrire des mondes qui n'existent pas, quoi. Mais d'un autre côté, la science-fiction se base sur des éléments rationnels, alors que le fantastique se base sur le surnaturel. Et alors, il y a le mot science qui prête peut-être à confusion. La science-fiction n'est pas une extrapolation, forcément une extrapolation scientifique, sauf peut-être pour l'anticipation. Et, bon, la science-fiction a été rarement prédictive. La science-fiction n'a jamais prévu l'apparition d'Internet, du téléphone mobile et toutes ces choses-là. Mais par contre, une fois que ça existe, elle l'a utilisé, elle continue à l'utiliser abondamment. Mais dans un roman de science-fiction, vous avez toujours une explication rationnelle qui est scientifique ou pseudo-scientifique. Mm-hmm. Par exemple, dans ce qu'on appelle le space opéra, c'est-à-dire les récits qui se déroulent dans des mondes, dans des galaxies éloignées, etc. On part du principe qu'on peut se promener là-dedans à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui est totalement, qui est rigoureusement impossible. Mm-hmm. Pareil d'ailleurs pour le voyage dans le temps. Mais une fois qu'on a pris ce présupposé, qu'on a passé cette barrière, ben ça laisse libre cours à l'imagination. Mais souvent la science-fiction, par exemple, peut être basée sur un phénomène naturel. Je pensais à un roman de Brian Aldiss, Heliconia, qui raconte l'histoire d'une planète dont les saisons, au lieu de durer comme chez nous 3 mois, durent plusieurs siècles. C'est-à-dire que l'hiver dure 4 ou 5 siècles, l'été autant. Et à chaque fois, bien sûr, les habitants oubliés ce qui se passait la saison précédente, ça provoque un cataclysme, un bouleversement avec un changement complet de civilisation. Donc on est bien dans la science-fiction, avec une explication rationnelle qui ne fait pas forcément appel à des technologies, à des robots, à des choses comme ça, quoi. Mmh. Alors que le fantastique, c'est fait appel à des phénomènes surnaturels inexplicables. Bon, c'est le cas de Lovecraft ou le cas de Stephen King, où vous avez des forces du mal qui peuvent être incarnées par des êtres, par quelque chose, mais dont on ignore complètement la cause, et qui peuvent être, c'est le cas souvent chez Stephen King, qui peuvent être l'émanation d'une société un petit peu pourrie, quoi. dont les forces du mal s'incarnent dans un personnage. C'est le cas de Ça, par exemple, le roman de Stephen King, où le mal est incarné par une espèce de clown maléfique qui attaque et dépece les enfants dans la ville en sortant des égouts. Enfin bon, donc c'est quelque chose de tout à fait différent. Quant à l'anticipation, elle est plus basée sur la science, c'est-à-dire que c'est une extrapolation à partir d'une réalité existante. On imagine. Alors, actuellement, par exemple, avec les problèmes de réchauffement climatique, on voit ce que peuvent donner des romans d'anticipation. Dans 50 ans, ça chauffe partout, etc. Donc, ça part d'une réalité et on extrapole à partir de là. D'accord. Ou alors, en gros, la différence entre les deux, quoi. Alors, parlez-nous de La Cité sans nom. Alors, La Cité sans nom, c'est un roman, donc, je le disais, post-cataclysmique, qui se déroule dans une ville, une grande ville, qui est complètement en ruine et qui n'est plus peuplée que par quelques centaines, quelques milliers d'habitants qui, pour survivre, pratiquent l'agriculture et l'élevage. Donc, ils enlèvent les pavés dans les rues et ils cultivent, ils envoient les chèvres se paître dans les ruines, etc. Ils ont complètement oublié les origines de la cité. Et évidemment, ils ont complètement oublié également les technologies qui la sous-tendaient et qui sont là en ruine avec des voitures qui rouillent dans les parkings, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que j'ai créé un arrière-plan qui est implicite dans le roman, à savoir qu'une catastrophe, mais qui est d'origine indéterminée, il y a eu quelques vagues allusions à certains moments, mais les survivants ont complètement oublié ce qui précédait cette période. Donc ils sont pas retournés à l'âge de pierre, mais enfin pas loin. C'est une régression. Et en même temps, c'est un roman d'aventure. Le héros est un jeune homme, Ordrek, qui va se trouver en butte à des hommes maléfiques qui habitent les souterrains de la cité et va être amené à organiser la résistance de son village contre ces gens maléfiques. Donc c'est une histoire d'aventure de ce domaine-là assez classique. Et en même temps, ces habitants, il y a un deuxième thème, c'est celui de la culture. C'est-à-dire ces gens ont tout oublié, non seulement de la technologie, mais également de la culture, y compris de l'écriture et de la lecture. C'est-à-dire que la ville est encore pleine de restes, de documents papier, de livres, de journaux, etc. Ils s'en servent pour comme combustible. Et la fin de l'histoire, il y a quelques personnages quand même qui émergent un peu de tout ça, que le jeune homme Ordrek va rencontrer, et qui cherchent à voir si par hasard sur ce qu'ils appellent les pattes de mouche, qui parsèment tous ces papiers, s'il n'y aurait pas quelque chose là-dedans qui signifierait quelque chose, et qui donc ils vont essayer de redécouvrir l'histoire de la ville à travers ces documents et découvrir à la fin le nom de cette ville également, parce que c'est une ville bien réelle. D'accord. Alors nous revenons après Ma plus belle histoire d'amour par Barbara. Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, où les morsures d'un amour fou. Si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage à peine vus déjà disparus. À travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route, vers vous. Sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route. Celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous, je l'ai faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver et la neige à mon cou. Pour que je perde patience, ai-je calmé ma violence? Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais tant d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, jamais vous n'étiez au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage, mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Mais le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte, heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fus infidèle. La belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fût doux. Oh, qu'il me fût doux, le premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour, vous souvenez-vous. Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous? À nous regarder sourire, à nous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire. Je tenais à vous le dire, ce soir je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venue vous le dire. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Alors nous sommes toujours avec Raymond Hisse pour son livre « La cité sans nom ». Alors on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à l'humanité, effectivement, ça pourrait être éventuellement une explosion nucléaire. Mais les survivants ont tout perdu. Alors on pourrait croire qu'ils vont se serrer les coudes, et pourtant ce n'est pas le cas. Oui, c'est-à-dire tout le thème de l'histoire, c'est la lutte entre les gens qui vivent à la surface de la Terre et ceux qui vivent en dessous, donc des êtres assez maléfiques, on pourrait appeler ça des loubards d'une certaine manière, et qui vivent dans les souterrains de la cité et qui viennent piller les paysans et les éleveurs qui sont à la surface. Donc le personnage Ordrecq va être enlevé par ces personnages, va vivre des aventures. C'est en même temps un roman initiatique, c'est l'histoire d'un gamin, d'un garçon qui sort de son milieu, qui sort de son village et qui va être amené à découvrir le monde, en fait. Mm-hmm. C'est le thème traditionnel de tous les romans d'apprentissage ou de tous les romans de jeunesse. Et il va être amené à être confronté à la violence aussi. Et il va revenir donc dans son village en ayant vécu cette expérience, en ayant rencontré aussi les gens que j'appelle les gens d'en haut, c'est-à-dire qui physiquement d'ailleurs vivent même au-dessus, dans les étages supérieurs, enfin, il y a toute une symbolique du haut, du bas, du milieu, et qui sont des gens qui ont un petit peu, pas complètement oublié la connaissance du monde antérieur, ou du moins qui pensent à le rechercher, qui pensent à rechercher leurs origines, qui cherchent. Et il va revenir dans son village, donc, et va organiser la lutte contre ces personnages maléfiques qui vivent dans dans les souterrains de la cité, et va organiser la résistance de son village contre les attaques de ces gens-là. Et puis, puis donc il y a aussi des digressions, donc c'est le chapitre de l'île verte, où lors de son voyage, Ordrecht va rencontrer un personnage, un errant, un voyageur aussi qui a une connaissance du monde extérieur et qui raconte comment dans sa jeunesse il est allé sur l'île verte, où il a rencontré également des personnages assez curieux, une espèce de moine qui cherche aussi à connaître les origines de leur civilisation. Alors le pire à mon sens, c'est qu'ils ne savent plus lire et que les livres donc servent de combustible. Ce doit être le cauchemar pour un écrivain suprême, non? Le cauchemar suprême. Oui, à part ça, ou finir au pilon, bon, c'est un peu la même chose quand même. C'est pas tout à fait pareil. Oui. Mais bon, c'est des choses qui risquent d'arriver. Hein. Les civilisations sont quand même fragiles. Et je pensais pas tellement aux livres, parce qu'ils ont survécu quand même à pas mal de millénaires et pas mal de périodes de régression dans l'histoire. Mais je pensais, c'est l'épisode qui apparaît dans l'île verte, sur le support numérique. Mmh. Parce que bon, de plus en plus, les données sont numérisées. Mais qu'est-ce qui arrivera le jour où on n'aura plus les machines, où on aura oublié le fonctionnement des machines qui servent à les lire, quoi. Mmh. Alors que le papier, bon, on a un contact direct avec le papier, et dans la mesure où il se conserve, on arrivera toujours à le lire, quoi. Mmh. Alors vous aimez jouer à vous faire peur, en fait ? Oui, un petit peu. Bah, c'est le cas de tous les romans de science-fiction ou de fantastique. Hein. Ça sert à faire peur, ça sert à s'interroger sur l'avenir, etc. C'est généralement, c'est pas des romans à l'eau de rose, hein, si vous voulez. Et l'écriture est un moyen de dépasser ses peurs ? Pardon ? L'écriture est un moyen de dépasser ses peurs ? C'est pas mes peurs personnelles, non. Ça permet de les fixer, quoi, de les rationaliser d'une certaine manière. Alors, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé depuis la catastrophe, mais déjà, la tradition orale existe. Pourtant, de nombreux savoirs ont été oubliés. Vous pensez que nous ne pouvons pas nous passer des écrits, en fait ? Il y a des civilisations qui sont, dans l'histoire, sont basées sur l'oral. Mais si on prend le cas de la civilisation égyptienne, par exemple, elle a disparu. Les écrits sont restés pendant des millénaires. On a ignoré la signification de ces écrits, quoi. Et dans le roman, il y a un livre qui est un peu la pierre de Rosette d'Ordrecht, qui permettra de franchir le pas supérieur et de découvrir, commencer à redécouvrir l'histoire de leur civilisation, quoi. Mmh. Alors, comment vous viennent les thèmes de vos livres ? Celui-là, c'est un peu difficile à dire parce que j'ai mis longtemps, enfin, je n'ai pas mis longtemps à l'écrire, mais je l'ai repris à plusieurs fois. J'ai fait des coupures, j'ai fait des rajouts. Le chapitre sur l'île verte, c'est un chapitre qui a été rajouté récemment. J'ai supprimé des personnages qui faisaient un petit peu doublon, donc ça a été une construction assez longue. Mais bon, la réflexion, ça a été sur, effectivement, la fragilité des civilisations, quoi. Alors, quand vous commencez un nouveau livre, vous connaissez déjà la fin ? Vous savez déjà où vous voulez aller ? Oui, il vaut mieux savoir comment on termine. Et ce qui m'arrive souvent, c'est peut-être moins le cas ici, mais si j'avais quand même la scène finale en tête, ce qui m'arrive assez curieusement quand je commence un roman, c'est que je connais la phrase finale. Je sais mot pour mot quelle va être la dernière phrase du roman. Et bon, à partir de là, évidemment, il reste tout à faire, mais ça permet quand même, c'est un peu rassurant, ça permet de savoir comment on va boucler, quoi. Oui, quelle est la trajectoire ? Quelle est la trajectoire que va suivre le personnage pour arriver à cette fin, quoi. Et là, bon, je connaissais aussi la fin de l'histoire, le retour, la scène dans le palais au bord de l'eau. Alors, il y a des tas de clins d'œil, bien sûr, à des choses existantes qu'on découvre à la fin, quoi. Alors, vous faites partie de la cour de l'imaginaire. Vous pouvez nous parler, nous en dire un peu plus sur ce collectif ? Alors, c'est un collectif, enfin, nous sommes trois. Mais c'est trois personnes, Josette, Nadia et moi, qui avons monté ce collectif. Et nous faisons appel à des tapuscrits, nous faisons des appels à texte, demandant à recevoir des tapuscrits, enfin des manuscrits tapés à la machine, de préférence, dans les domaines, donc nouvelles, romans, etc., dans les domaines de l'imaginaire, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, fantastique. Et chaque année, donc, nous dépouillons ces tapuscrits et nous, en partenariat avec un éditeur qui est justement maintenant Roiz, l'éditeur qui a sorti La Cité sans nom, nous sélectionnons un ouvrage et à qui nous donnons un prix. Le prix de la cour de l'imaginaire, et qui lui permet d'être édité. En fait, le prix consiste en l'édition. C'est-à-dire, en clair, on fait appel à des auteurs sinon débutants, du moins qui n'ont pas encore été édités à titre professionnel. Et nous leur mettons la pied à l'étrier pour pouvoir sortir leur premier ouvrage, leur premier roman. Et donc ça fonctionne depuis 2012, nous en sommes à la cinquième édition, je crois. Notre appel à texte pour 2018 est déjà lancé, donc si vous écrivez dans ce domaine, et vous allez voir sur notre site internet www.lacourdelimaginaire.com, vous trouverez le règlement de ce concours, le contrat également, c'est un véritable contrat à compte d'éditeur, un contrat modeste, mais enfin qui permet d'éditer votre premier roman, premier ouvrage. Et jusqu'ici, ça a très bien marché. On continue à suivre nos auteurs et on a constaté que ça avait encouragé des gens qui étaient un peu découragés par le refus d'éditeurs classiques, qui ne voulaient pas prendre le risque de publier un premier auteur, qui continuent dans les domaines de l'édition. Ils donnent de leurs nouvelles de temps en temps et ils ont réussi à produire un deuxième, un troisième ouvrage et à se faire éditer dans d'autres domaines. Donc c'est un pied à l'étrier. Comment ? Oui, on leur met la pied à l'étrier, oui, on ne tient pas spécialement les suivre, puisqu'on ne peut éditer qu'un ouvrage, à la rigueur deux par an, oui. Mais on prend le suivant et on lui met le pied à l'étrier pour pouvoir poursuivre son travail d'écriture. Et chaque année, donc, on fait venir notre auteur. Et on organise avec lui un café littéraire à Nancy. Donc on accueille le public dans ce café. Il est interviewé par Pierre Stolz, qui est un auteur de science-fiction professionnel. Et donc on met en valeur cet écrivain au cours de ce café littéraire, qui a lieu généralement au mois de novembre ou fin octobre à Nancy, dans un restaurant de Nancy. Alors les auteurs en devenir, là, ils ont jusqu'à quelle date pour vous envoyer les... Pour 2018 jusqu'au fin février, donc le 28 février. D'accord. Ils trouvent tout le règlement, ils trouvent toutes les informations sur le site de la Cour de l'Imaginaire, y compris le contrat, le règlement du concours, etc. Alors à vous, quels sont vos projets à vous ? Actuellement, j'ai un ouvrage, une uchronie qui doit paraître en principe au printemps. Qui devrait être édité par un éditeur spécialisé en science-fiction, La Rivière Blanche. Et je viens de terminer une autre uchronie qui est plus régionale, disons, qui se passe en Lorraine. Une uchronie, c'est une référence à l'histoire. C'est encore un sous-ensemble de la science-fiction aussi. C'est l'histoire qui aurait pu être ou qui n'a pas été. Et au cours duquel on extrapole à partir d'un événement historique qu'on détourne de sa réalisation. Les classiques de l'Uchronie, c'est Napoléon a gagné la bataille de Waterloo, où se trouve la France 20 ans après, où Adolf Hitler a gagné la Deuxième Guerre mondiale, etc. etc. Moi, je pars d'un événement, par le principe que la guerre de 14 n'a pas eu lieu. Je parle de l'événement déclencheur, l'attentat de Sarajevo. Donc, l'assaillant Gavrilo Princip a voulu révolveriser l'archiduc François Ferdinand, mais avec un revolver, une fabrication japonaise de mauvaise qualité. Donc il l'a raté. Il l'a raté. Et donc la guerre n'a pas eu lieu. Et on rentre dans un monde apaisé où, trois quarts de siècle après, l'Alsace-Lorraine est devenue indépendante sous le nom d'Austrasia. Et donc c'est un personnage, un Français, qui vient faire des affaires dans ce pays. Mais je complique l'affaire parce que ce serait... L'inconvénient de l'Uchronie, c'est qu'une fois qu'on est dans le monde uchronique, on risque de tomber dans la banalité. Donc ce personnage est hanté par des cauchemars de guerre, où il rêve de choses qui n'existent pas dans son monde, de lance-flammes, de chars, de gaz de combat. Et pour se défaire de ces cauchemars, il écrit un roman où la guerre de 14 a eu lieu. Donc on retombe dans notre monde, mais pas tout à fait, parce que ça ne termine pas de la même manière. D'accord. Et il y a une partie, donc c'est l'histoire d'une famille en Alsace-Lorraine pendant la guerre de 14, mais il y a également une échappée vers la Russie, puisqu'il y a un personnage qui va en Russie et qui assiste à un début de révolution en 1917, mais qui aussi ne se déroule pas comme ça s'est déroulé en réalité. Donc c'est une uchronie à double détente. D'accord. On retombe dans le roman, dans le monde existant, mais pas tout à fait le même que le nôtre. Donc c'est assez complexe. Oui, un peu perturbant. C'est fait pour ça. Hein, oui. Que l'auteur soit perdu dans un monde où à la fin il ne sait plus exactement où il se trouve. Quoi. Et vous allez assister à des salons prochainement ? À des salons, je vais avec le prix de la SEL, là j'ai été sollicité pour l'Alsace, donc je suis déjà allé au salon de Colmar au mois d'octobre, et je suis invité donc au salon, donc dans deux salons dans la région de Strasbourg, et ça c'est au printemps, et au salon de Saint-Louis près de Mulhouse, près de Bâle, au mois d'avril. D'accord. Donc je vais en profiter pour présenter la cité sans nom. Quoi. Alors est-ce qu'il y a encore beaucoup de lecteurs pour ce genre littéraire de science-fiction fantastique? On se plaint que les gens ne lisent plus, mais je lisais encore l'autre jour à propos du salon de Montreuil, du salon jeunesse de Montreuil, c'est que la littérature jeunesse se porte bien. Alors est-ce que les jeunes vieillissent mal et ne lisent plus ensuite? Je ne sais pas, mais il y a une littérature jeunesse, et qui n'est pas une sous-littérature, qui est une littérature difficile. Quoi. Quand je me suis lancé dans les littérature jeunesse avec La Cité sans nom, bon, c'est un domaine et un public dont je n'ai pas tellement l'habitude. C'est un public qui est difficile parce qu'il se fiche éperdument de la notoriété de l'auteur ou de l'éditeur. Ce qui l'intéresse, c'est le texte. Il ne faut pas qu'il y ait des références non plus. Il ne faut pas qu'il fasse peur des rires. Il faut de l'action. Il faut des choses qui pulsent un petit peu, si vous voulez. On ne peut pas se permettre d'écrire un bouquin de 800 pages avec des digressions de 50 pages comme peut le faire la littérature adulte. Oui, vous perdez les lecteurs, là. Oui, bien sûr, oui. Oui, d'accord. Et ce sont plutôt des jeunes, donc, ou il y a encore un public adulte qui est intéressé? D'après les échos que j'ai eus, enfin, il est sorti il y a un an, hein, donc... il est lu par des adultes aussi, on m'a dit que ça pouvait être très bien lu par des adultes également, quoi. Ah oui, moi j'ai pas trouvé que c'était spécialement... Oui, c'est pas... c'est quand même pour un public de 11-15 ans, hein, donc... Donc c'est quelque chose quand même qui n'est pas fortement ciblé, quoi. D'accord. Et vous écrivez pas seulement de la science-fiction, c'est votre domaine de prédilection ? J'ai commencé par là, c'est-à-dire que j'ai commencé par écrire des nouvelles de science-fiction, dans les années 80. Et à l'époque, je les ai proposées à des revues spécialisées, et elles ont été publiées. Alors je raconte toujours la même histoire, mais j'ai commencé à être publié au Canada, après en Belgique et finalement en France, quoi. C'est un circuit assez bizarre. Et puis, j'ai écrit une dizaine d'ouvrages, dont il n'y en a aucun d'eux qui se ressemble. Il y a des ouvrages de science-fiction, notamment des recueils de nouvelles, mais également des ouvrages de littérature générale. Oui. Et quel est le genre que vous privilégiez? Aucun, parce que je déteste écrire deux fois le même livre. Mmh. Donc je me suis aperçu que je pouvais écrire de la science-fiction, du fantastique, des romans de littérature générale. Ça dépend de l'inspiration et ça dépend du moment, quoi. Mmh. Et vous, quel genre d'ouvrage lisez-vous ? Là aussi, je suis assez éclectique. Alors, je lis beaucoup de science-fiction à cause du moins des manuscrits, pas à cause de la cour de l'imaginaire, ce qui me laisse quelquefois assez peu de temps pour lire d'autres ouvrages. Mais mes goûts littéraires, ça va de Chateaubriand à Céline, hein, dans l'historique. Donc c'est très, très éclectique. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc, je dis pas que... Je lis beaucoup aussi pour me documenter, donc pas forcément des ouvrages que j'aurais lus. Là, par exemple, pour mon uchronie, j'ai lu pas mal d'ouvrages sur la Russie, sur la guerre de 14, sur la révolution russe. Bon, j'ai trouvé des choses intéressantes que j'aurais pas forcément lues si j'avais pas été amené à me documenter pour cet ouvrage, par exemple. D'accord. Bon, donc nous allons rappeler aux auditeurs que ceux qui veulent publier un livre, ils peuvent envoyer donc leur manuscrit jusqu'au 28 février, donc à la Cour de l'Imaginaire. www.lacourdelimaginaire.com, la Cour de l'Imaginaire en un seul mot. D'accord. Alors merci à Raymond Huys d'être venu nous parler de son livre La Cité sans nom, publié chez Huys Éditions. C'est une petite maison d'édition qui est située à Yutz-en-Moselle, hein, c'est ça ? Oui, qui a 5 ans d'âge déjà, je crois, qui a déjà un beau catalogue et qui est pour l'instant spécialisé dans la littérature de l'imaginaire. Qui se développe à une grande vitesse actuellement. Alors, au revoir à tous. Merci, Monsieur Huys, d'être venu parler de votre livre. Au revoir et à bientôt.